L'éléphant. Comme un éléphant son ivoire, j'ai en bouche un bien précieux, pourpre mort. J'achète ma gloire au prix des mots mélodieux.